tomate d'énergie nucléaire, enfin d'énergie tout court, pour balayer une grande partie de l'État, par intrus. Bon. Et puis, il y en a demain ici qui ont beaucoup d'énergie. Là, maintenant. Bon. Bon. Lorsque l'homme vit dans ce contexte énergétique, lorsque l'être humain est épuisé, il manque d'énergie vitale, lorsque l'être humain est capable de penser, il manque d'énergie psychologique, astrale ou mentale, et l'absurde de penser, c'est une condition atomique qui vient gérer le système neuronique. Alors, je vais donner un petit cours de synthèse et de chimie et de physique. J'essaie. Bon. Un neurone, c'est une petite cellule. Et on en a quelques milliards dans la caboche. Jusqu'à là, c'est compliqué. Bon. Il y a 6 fois à 100 fois plus de cellules gliales qu'il y a de neurones. Les cellules gliales, bien que la médecine ne sache pas encore trop à quoi elles servent, servent énormément l'homme gros dans sa faculté d'exprimer le savoir instantané, l'intelligence active, l'esprit, l'énergie supramentale. Il va être exprimé dans le début par l'ajusteur de pensée. Le neurone, lui, a la faculté atomique, il est constitué d'oxygène, d'hydrogène, de carbone. Bon, cette structure chimique, elle vibre. Un atome, on a déjà vu un peu comment ça se fait quand on écoutait la série télévisée Atomance. Bon. Voilà. Alors, un atome, c'est un noyau auquel tourne, autour duquel tournent des électrons. Mais les électrons tournent de façon folle, hein? Et le noyau est constitué de protons et de neutrons dans la majorité des cas, sauf dans le cas de l'hydrogène. Maintenant, chaque neutron, chaque proton va être constitué aussi de particules supersoniques qu'elles vont passer. Notre noyau fait que des électrons tournent autour. Si on donne de l'énergie à cet atome, l'électron change d'orbital, c'est-à-dire qu'il saute de niveau et tourne plus loin. Si on retire de l'énergie, il redescend. Si on donne de l'énergie au noyau B, l'électron, on peut forcer notre électron à tourner plus rapidement. On peut aussi, selon la façon dont on va travailler avec notre atome, rapprocher l'électron quelque peu dans son orbital ou l'éloigner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque neurone, même si elle a la même constitution chimique, n'a pas nécessairement la même constitution atomique ou subatomique. Énergie coatomique. On appelle cela des polymères. Même constitution au niveau de l'analyse, mais tout à fait différent dans la forme. Un exemple. Le diamant, c'est du carbone pur. Le charbon, c'est du carbone pur. L'un est noir, opaque, friable. L'autre est transparent, cristallin, presque incassable. Mais les deux sont du carbone pur. Alors, il y a une grosse nuance entre les neurones d'un homme nouveau, d'une personne transitée, d'une personne ancienne. Ah, mais si on fait l'analyse chimique, c'est similaire. Mais on va le carbone, le diamant et le charbon, et puis on verra un peu que cette transformation. Un isomère, polymère, dépendant des corps. Bon. Lorsque l'être humain, lorsque le cerveau est toujours dans la recherche de quelque chose, pour poser des questions, on ne fait pas ici par hasard. L'être humain se pose des questions. Plus l'être humain a de la mémoire, et notre société est bâtie pour ça. Il y a tellement de possibilités d'achat et de collage que tu as des désirs. Tu as des peurs, des craintes, des angoisses, des désirs sociaux qui font partie de ce 20e siècle et qui font partie du contexte nord de l'État. À travers cela, vivant la désillusion, l'homme pense. Mais à travers cette pensée, il essaie de la rendre logique de façon à devenir de plus en plus efficace. Là va naître l'intellect. Et l'intellect peut se transformer en mental parce que l'humain veut finalement avoir une liberté. Il veut comprendre, il s'écœurait. Finalement, il s'écœurait d'être écœuré. Ça n'a plus de sens, il comprend plus. Il comprend qu'il ne comprend pas. Il ne veut pas. Il ne sait plus, il ne sait pas ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut plus, ce qu'il faut dire. À travers cela, l'humain qui reste en vie pose des questions, pose des questions, pose des questions. Et finalement, il oblige son système neuronique à travailler. L'obligeant à travailler, il va lui amener de l'énergie vitale, c'est-à-dire qu'il va le nourrir. Pourquoi les mathématiques, l'ordinateur chez les enfants, sont des choses qui obligent une programmation axonique, des fils entre les neurones, et qui obligent en même temps un neurone à devenir de plus en plus solide, comme une cellule musculaire. À un moment donné, ce neurone-là qui vibre, vibre comme un neurone, c'est une

C'est-à-dire que le corps change. Je ne contrôle pas son corps, le corps change tout seul. Le corps doit arriver à s'autocontrôler. Et la personne ne contrôle pas son corps. Par contre, par l'échec, hein, on se plaint au cours de la souffrance, des problèmes. Parce que tout à l'heure, on disait que l'homme était quand même créateur, il devait 100% le contrôle de sa pensée. À quoi ça sert de contrôler une chose qui ne sert à rien? Vous avez dit, non. Moi, je pense que je vais un jour être millionnaire. Oui, moi, je pense. Bon. Moi, je pense qu'un jour, je vais vivre 300 ans. Je pense que... Moi, je pense que je vais rencontrer la personne idéale. Je pense que... Moi, je pense que je vais avoir un bon job. Je pense que... Mais la réalité va être réellement autre chose. Et c'est pourquoi l'homme pense. L'homme pense exclusivement pour se frapper à des murs. Mais il ne faut pas que l'être humain se suicide de temps en temps, ben, les murs s'estompent, l'être humain passe. Mais on peut penser, hein? Bon, vous savez sans doute la majorité d'entre vous, que ce qui nous fait le plus peur, ça ne se ferait jamais. Mais ça occupe d'y penser. Ce qui nous inquiète le plus, c'est une personne qui s'est inquiétée à un moment donné pour son mari, sa femme, ou sa mère, son père, ses parents, ses enfants. Mais je sais qu'il va se faire inquiéter 15 ans pour mes enfants. Mais c'est bien la preuve que tu t'es inquiété pour rien. Parce que si tu es mort la première inquiétude, tu n'as pas inquiété 15 ans de temps. Hein? Bon. Donc, tu as passé 15 ans à passer le temps. Et la pensée sert justement à ça. Elle sert à écœurer chez l'homme la chose évolutive chez l'homme. Étant donné que l'homme n'a pas le contact avec lui-même, avec son esprit, nécessairement, le défaut intentionnel est le tributaire du contexte mémoriel, ce qu'on appelle l'éducation, le milieu, la programmation. Si l'individu arrive à suffisamment travailler avec sa tête, il doit pour cela vivre comme vous vivez. Il doit se taper la tête en passant sur les murs, il doit être joyeux et il doit être déçu. Il doit penser, désirer, rêver et continuer à être déçu. Il doit toujours constamment se répéter, j'aurais dû faire ça. Moi, nous, j'aurais dû allumer ma radio, pour ça par là, j'en ai fait réparer. Ah, merde, t'as rendu penser à ça avant, hein? Là, maintenant, on peut faire plus tard. Bon, tu peux t'acheter des culottes, tu arrives chez vous, ah, j'aurais dû les faire répéter. Pourquoi tu ne pensais pas tout à l'heure? Ça ne plus là, ça. Tout ça ne sert à rien, ça fait partie du passé. Mais ça occupe, là. Bon, on aurait dû aller là. Ça occupe, c'est intéressant. Tu as assez d'argent pour aller voir un plus grand, merde, j'ai pas pensé. Ah oh, non, on aurait dû penser, ben oui, pour ça, c'est ça. Ça occupe, ça occupe. Tu sais, ça y fait penser, c'est plaisant. Ça occupe. Mais ça ne sert à rien d'autre qu'à occuper. Et tant que ça occupe, ça génère chez l'homme le désir. Et le désir généré chez l'homme oblige l'homme à bouger. Parce que l'être humain qui n'a pas la compréhension intelligente de pourquoi il faut qu'il mange, il faut qu'il aille faire. Hein? Il n'a pas le choix. Bon, il mangerait toujours les mêmes affaires. Il faut qu'il s'écarte. Pas le choix. Il faut qu'il voie d'autres choses, puis il faut que ça tente. Alors, on met des pois verts dans une canette, puis on met un papier plat, puis on met des pois verts. Pouf, 39 ans. On met des pois verts dans une autre canette, et puis, on met un beau coloré avec Michael Jackson dessus avec un pois vert en dedans. Puis là, on met 1,29$. Et vous pouvez être sûr que c'est celle-là qui va être invitée. Mais ça fait faire l'humain, c'est tout fait, tu vois. Et cela fait qu'à un moment donné, l'humain, c'est cœur de triper. Mais j'ai cru à petit, ça marche pas. J'ai prié, puis. Bon, je me suis resté les genoux à certaines places, des fois ça marche, j'ai expliqué comment, mais ça marche pas pour la majorité. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai répété 25 fois à une personne, en tout cas, on en parle tout le temps avec la pensée, Et je trouve que ça a obligé l'humain à se diriger vers quelque chose d'autre qui ne provient pas de la prière, même si par la prière on peut avoir des résultats. Mais l'intelligence, étant donné l'esprit, ça ne se prie pas. Ça vient quand t'es prêt. Mais pour un pot pour que ça vienne, c'est pas le temps. Bon, donc, faut pas prier. Par contre, ça vient exclusivement lorsque l'expérience de vie de l'individu l'amène à être écœuré, l'amène à vouloir avoir des raisons intelligentes, l'amène à vouloir comprendre. Là, je suis tanné de croire, je suis tanné de triper, et je me pose des questions. Je ne comprends pas comment ça se fait que les gens ne s'en posent pas des questions. Lentement, l'ajusteur de pensée se rapproche. Je dis oui, mais ça n'a pas de sens. Pour dire, c'est tellement évident, puis l'autre ne comprend rien. Comment ça se fait? Ça se rapproche. Ça se rapproche. À un moment donné, l'homme commence à être tanné, il ne comprend pas que les autres ne comprennent pas. Malgré que lui ne comprend pas tout, il ne comprend pas ce nom. Bon. À un moment donné, il finit par poser des questions et l'ajusteur de pensée commence à agir à travers la question. À un moment donné, l'individu va poser une question tellement claire qu'il va voir que la réponse est là. Et pour cela, il doit apprendre à écouter ce qu'il dit et non pas juste à parler pour parler. Le fait de ne pas pouvoir dormir le soir parce qu'on a vraiment un problème, que la pensée nous trotte dans la tête, ce qui serait le meilleur à faire, ce serait de dire « Bon, ok, on la balance et puis on s'endort. » Non. Ça va mettre notre côté personnel à terre, si c'est un travail. Premièrement, il n'y a pas de danger que le côté personnel soit à terre, parce qu'en disant ça, tu n'arriveras jamais à la balance. Il n'y a pas une pensée qui s'en va quand tu penses qu'il faut que ça aille. Quand tu peux arriver à t'endormir, tu dis, bon, il arrivera ce qui arrivera. Oh oui, il y a des personnes qui ne peuvent pas arriver à s'endormir, il arrivera ce qui arrivera. Sauf qu'il y en a qui ont toujours réussi ça, puis depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 semaines, depuis 2 semaines, ils ne savent pas pourquoi, mais ils ne dorment plus. Bon, il y en a d'autres, ah, moi je m'endors, mais reste là. À 4 heures, je suis toujours réveillé. Puis je n'arrive plus à dormir. Puis j'étais en pleine forme des fois, puis à 8 heures, là, je commence à dire, bon, il y a tellement d'abuscules pour occuper l'humain. La personnalité totale, ça ne dérange pas. Il n'y a pas de problème. Parce que la personnalité, c'est une farce aussi. La personnalité, c'est la nourriture de la pensée. Tu te regardes dans un miroir, et puis là, tu te le retour. Les autres aussi servent de miroir, c'est-à-dire que les autres aussi créent le retour. L'once de force, c'est une nourriture intelligente, mais la personnalité, il faut faire attention. Parce que l'humain, souvent, joue avec sa personnalité. La personnalité, c'est, comme j'ai déjà expliqué, peu, on a ici un récipient qui est lourd. Cela veut dire que la lumière blanche est totalement absorbée. Et si elle est totalement absorbée, cela veut dire qu'elle n'en sort plus. Donc, tu vois noir parce que tu ne peux pas voir de lumière blanche. La couleur peau, c'est blanc. Toute la lumière blanche est dessus. Parce qu'elle ne sort plus du peau, puis elle ne voit pas des yeux, évidemment, elle ne voit pas. C'est le même phénomène que le trou noir. Alors, si on regarde une feuille rose, eh bien, toutes les couleurs sont absorbées, sauf le rose, qui est rejeté, qui chemine dans l'air, frappe dans le vide, dans l'air, frappe les yeux, et on voit rose. La fleur, elle est toutes les couleurs, sauf le rose. Alors, on va dire sa personnalité. Oui, mais la personnalité de l'humain, c'est souvent tout ce qu'il faut. Et il se plaît à triper avec ça. Et bien souvent, les personnalités sont fausses. Moi, quand je travaillais pour Urgence Santé, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'à un moment donné, on rentrait dans une maison d'un acteur très connu. Et l'acteur, il était plus ou moins à poil de toilette, il était tombé en bas, puis il s'était cassé quelque chose. Et puis, bien oui, mais là, sa personnalité, elle était dans la toilette. Bien, la personnalité, c'est pas tellement différent de la cité sociale, du chômeur ou du plombier qui lui a dit quelque chose. Et puis, quand on le ressort de l'hôpital, alors là, oui. Là, la personnalité est là. C'est-à-dire, je dois prier pour ne pas les mettre sur plus l'ancien là. Mais là, il y a la personnalité qui pose bien des choses.